me présente, Éric Perron. Je suis le petit dernier arrivé dans les amis de la place Marcel Ferron et j'ai proposé à l'équipe de faire un balado pour faire connaître davantage l'organisme. Nous allons vous parler de ce que nous faisons comme activité et bien évidemment de l'importance de Marcel Ferron. Sans plus tarder, je vous présente les quelques membres des amis qui sont en ma compagnie. Marie-Claude Mirandette. Bonjour. Carole Foisy. Bonjour Éric. Jean de Julio, Paquin. Salut tout le monde. Et Jean Lapointe. Salut tout le monde. Avant d'évoquer le travail artistique de Marcel Ferron, quelques mots sur l'organisme qu'est les Amis de la place Marcel Ferron. Jean, à titre de premier président de l'organisme, j'aimerais que tu rappelles aux gens comment tout cela a commencé. C'est quand même l'idée de la place Marcel Ferron et de faire des activités autour de cet auteur vient quand même de à peu près 2008. À cette époque, j'étais président de la Société Saint-Jean-Baptiste, section Jacques Biget. Et déjà, on avait fait beaucoup d'activités autour des arts, du cinéma, de toutes sortes d'aspects de des arts, en fait. Et on s'est dit qu'il faudrait à Outremont qu'il y ait un endroit où on met de l'avant nos artistes, où on souligne leurs contributions. Et à cette époque, René Brault, qui était un de nos membres, nous a suggéré Marcel Ferron, qui était une résidente de notre quartier. Et on a tout de suite trouvé l'idée excellente et on s'est mis à regarder à quel endroit on pourrait positionner ou en tout cas marquer le point. Okay? Est-ce que c'est une place, est-ce que c'est nommé une rue, etc. Et finalement, on s'est retrouvé avec le petit espace qui était situé à côté du 5 saisons, qui n'avait pas de nom. Sur la rue Bernard, oui, à l'angle de l'épée. C'est ça. Et en regardant, en fouillant auprès des élus, des gens autour de nous, on s'est rendu compte que cet espace qui était un espace réduit, mais qui avait un certain caractère, on pouvait en faire un espace dédié à cet artiste. Et à ce moment-là, ben là, immédiatement, on a mis de l'énergie là-dessus. Et ça a donné, finalement, après des consultations avec les conseillers, l'autorisation de la ville, et après aussi différentes activités de financement, etc., on a réussi à faire nommer cet espace en l'honneur de Marcel Ferron, et on a pu y appliquer, entre autres, une plaque commémorative. Et c'est en quelle année, là? Il y a ces démarches-là, mais la plaque, c'est en quelle année? La plaque, c'est 2008, je crois. 2008. Oui. Et par la suite, on a commencé, on s'est dit, c'est pas suffisant, une plaque. Et ça prend aussi, puis nommer la place, ça prend aussi des activités pour l'animer. Et de là, en fait, c'était un peu comme la suite de déjà quelque chose que j'appréciais beaucoup dans mon rôle de chef de la section, c'est de faire des activités culturelles. Et c'est là qu'on a commencé à programmer une première activité, entre autres, je pense qu'il a été le fondement de toutes nos activités par la presse, c'est Art au Cube, qui a abouti en 2010 à une exposition mettant en participation toutes les écoles secondaires du quartier et à l'extérieur. Et ça fut une activité franchement très réjouissante qui vraiment touchait au cœur même de la pensée artistique de Marcel Ferron. Donc, il y a une organisation qui crée. Oui. Donc, oui. Rapidement, en 2009, 2000... Oui, ben après ça, on s'est rendu compte que, bon, il y a le rôle, moi, ça faisait déjà un bout de temps que j'étais à la Société Saint-Jean-Baptiste, mais moi, plus que ça allait, plus que c'était l'aspect artistique de la chose qui nous intéressait. Puis d'ailleurs, la plupart des membres de notre section avaient le même feeling que moi. Alors, tout le monde ensemble, on s'est réunis, puis on a décidé, ben on va faire une société, une association complètement indépendante, vouée à cette cause-là, à cette thématique-là, qui est l'art public, et à Marcel Ferron. C'est là donc qu'est arrivé les Amis de la place Marcel Ferron. Exactement, qui a été, on a incorporé l'association en 2006, et, 2012, excusez-moi, un petit blanc de mémoire, mais c'est à partir de là, mais on avait déjà commencé à faire d'autres activités entre-temps, d'ailleurs, et on continue depuis ce temps-là à en faire d'autres. Alors, c'est 2-3 activités par année, à peu près. Oui. On y reviendra tout à l'heure. Mais là, ce que je vous propose, c'est de parler de Marcel Ferron, de l'importance qu'elle a été, qu'elle a eue, d'abord comme artiste. Alors, je donne la parole à Jean de Julio. Alors, Marcel Ferron, donc, on la situe où? Ben, Marcel Ferron a fait partie d'un groupe qui a établi la modernité en art au Québec. Et on peut dire que Marcel Ferron est l'une des pionnières de la peinture abstraite au Québec. Bien sûr, il y a d'autres membres du groupe qui l'étaient aussi, mais elle fait partie de ces pionniers. Et elle faisait une peinture qui était complètement rejetée par les élites de l'époque. L'abstraction dans les années 40, c'était vu comme dérangeant. Et elle a persisté dans cette veine de l'automatisme. Elle a eu une carrière exceptionnelle. Et bien sûr, avec son exil à Paris, elle a appris d'autres types de techniques, dont des techniques industrielles du verre. Et elle a été, par la suite, une figure importante de l'art public à son retour en 1966 au Québec. Alors, on parle bien sûr de la verrière du Champ de Mars. Et c'était, à l'époque, extrêmement imposant. Elle s'est battue, d'ailleurs, pour que les œuvres du métro soient des œuvres de création et non pas des œuvres illustratives. Et elle a produit un nombre incroyable également de peintures. Donc, c'est une grande force artistique et elle mérite au plus haut point les hommages qu'on lui a rendus, dont le prix Paul-Émile Bordua. D'ailleurs, ça a été la première femme dans les années 80 à recevoir ce prix, qui est la plus haute distinction au Québec. C'est une artiste qui a été extrêmement prolifique. Très, très prolifique. Elle a aussi gagné des prix dans des foires à l'étranger. Et autant une carrière au Québec qu'en France, et aussi dans d'autres pays de l'Europe. Oui, une personne qui s'est manifestée à de nombreuses reprises dans des expos, concours et autres. Alors, donc, tu as parlé des verrières. Marie-Claude, son travail sur le verre, c'est quelque chose sur lequel tu t'es particulièrement penchée, je pense. Bien, en fait, le travail sur le verre, il s'inscrit dans sa pensée artistique où tout ce qui est la couleur, la transparence, va être important dès le début. Et même, d'une certaine manière, on pourrait voir certains tableaux abstraits des années 50 comme déjà des essais sur la transparence et la lumière dans les couches picturales qu'elle va faire et qui vont commencer par des effets de transparence et de superposition à construire l'espace. C'est quelque chose d'important, picturalement parlant, mais c'est beaucoup lié aussi à cette volonté qu'elle va avoir dans les années 60 de s'inscrire dans la société, dans l'art public, et d'amener l'art vers les gens et l'espace public, de le sortir des musées. C'est quelque chose qui était déjà présent chez les automatistes. Quand on lit le refus global, c'est quelque chose qui est là, mais ils vont chacun avoir une carrière individuelle et être relativement peu porté vers l'art public, sauf peut-être Mousseau et Marcel Ferron. Et Ferron va vraiment utiliser le verre comme un outil de sensibilisation et en amenant le verre aussi dans des lieux comme le métro, comme le palais de justice, comme des hôpitaux, etc., qui sont des lieux où les gens vivent, où les gens passent. Et ça va permettre, entre autres, de changer aussi le point de vue que les gens ont sur ces lieux de la ville, qui sont souvent un métro, c'est beige, c'est plate, c'est moche. C'est un lieu de passage et c'est un lieu qui est assez désincarné. Quand tu sors au métro Champ de Mars et que tu vois la verrière, ça inscrit la verrière dans le tissu urbain comme étant vraiment quelque chose de marquant et déterminant. Et ça joue beaucoup sur les effets de transparence qui amènent l'extérieur à l'intérieur et qui, je pense, s'inscrivent dans une espèce de vision qu'elle avait de redéfinir la société par son architecture même pour aller vers une espèce d'utopie sociale qui est déjà présente dans le refus global. D'ailleurs, dernièrement, ils ont restauré, ils ont modifié un peu les alentours extérieurs de l'édicule du Champ de Mars. Et l'œuvre est absolument spectaculaire. vraiment oui, là. Avec les constructions du CHUM, ils ont fait beaucoup d'aménagements. En fait, ils ont revampé un petit peu aux alentours. Et il y a justement un projet qui est en marche pour faire une très grande esplanade. Je ne sais pas si on parle de la place des femmes. Là. Il y a une sorte de champ fleuri qui est supposé d'être construit au-dessus de l'autoroute Ville-Marie. Mais déjà, si vous regardez sur les projets sur Internet, vous allez trouver plusieurs maquettes, projets d'emplacements très spectaculaires autour de l'édicule du métro, dont plusieurs avaient porté le nom à l'origine de Place Marcel Ferron aussi. Ah bon? Il y avait des trucs comme ça. Mais ça a été écarté, par contre, ce nom-là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est revenu. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de travaux, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que tout cet espace-là va changer et ça risque d'être très, très, très, très intéressant. Dans le film Ferron-Marcel, qui a été fait à l'ONF, oui. C'est dans ce film-là qu'elle raconte... son idée du travail avec le verre très, très jeune. Elle est hospitalisée pendant... Oui, c'est à l'âge de 3 ans. 3 ans? Donc, sa mère avait été malade de la tuberculose. Elle est morte alors que Marcel avait 7 ans. Et à 3 ans, elle s'est retrouvée, elle aussi, atteinte de la tuberculose. C'est de là que lui vient sa petite patte, donc la difficulté à marcher. Et donc, elle était enfermée dans une espèce de petite chambre et avec une porte fermée. Et la fenêtre de la porte était givrée. Givrée, c'est ça. Et c'est comme ça qu'elle elle voulait sortir de cet espace-là. Elle voulait que ce soit clair, elle voulait voir à travers la porte. Elle voulait voir à travers la porte. Oui. Ouais. Ben, en fait, moi, je trouve que on a lu certains passages de livres depuis quelques jours, puis... Il y a chez elle une force de caractère bien particulière qui vient peut-être de cette petite enfance où elle a eu à se battre pour vivre. Elle a perdu sa mère jeune. Elle a vécu dans un milieu où son père était très ouvert. Je pense que ça a tracé la voie. Cette femme-là, elle s'est bâtie pas seulement au moment du refus global, mais bien avant et bien après aussi. Donc, c'est ce qui est intéressant dans cette vie-là, avec un engagement à la fois social, avec elle se rattache à un groupe, elle a envie que les choses changent, elle est dans la couleur très, très vive, elle est près du public. Et de cette manière-là, pour nous, elle est très, très inspirante. Bien, c'est une artiste majeure, mais ce qui est formidable aussi, c'est la femme, c'est la... Jean-Julio, tu me parlais il y a quelques jours en préparation de ce balado de la force de caractère de Marcel Ferron. Oui, il fallait avoir du caractère à ce moment-là pour s'affirmer. Et Marcel Ferron le fait dans son art, le fait aussi dans des décisions personnelles. Bon, elle a eu des difficultés à conserver la garde de ses trois filles. Elle a obtenu et elle est partie avec ses trois filles en Europe, monoparentale. Donc, en 1953. Donc, déjà là, ça souligne quelque chose. En plus, c'est une personne qui a énormément écrit des lettres. Il y a une correspondance phénoménale où elle met de l'avant également ses pensées sur l'art, sur la société, mais aussi des correspondances avec sa propre famille, où jaillit également des idées et déjà des dialogues. C'est une personne qui s'impliquait et qui argumentait beaucoup. Donc, ces deux exemples prouvent jusqu'où cette femme-là pouvait aller dans ses décisions, la force autour de décisions et le fait de toujours avancer. Alors, c'est exemplaire selon moi. Marie-Claude? C'est effectivement une femme exceptionnelle, mais qui vient aussi d'un milieu assez exceptionnel, avec un papa qui permettait aux enfants de lire tout, même ce qui était à l'index et interdit. Et ça a donné une famille assez exceptionnelle. Et la correspondance qui a été publié par Babalou Hamelin, une de ses filles récemment, montre bien comment on discute de tout, qu'il n'y a pas de sujet tabou chez les Ferrons et qu'entre Jacques et Marcel, il y a par lettre interposée, et c'est ça qui était la beauté de la chose. Ils s'écrivaient à l'époque, donc il en reste quelque chose. Et il y a vraiment des discussions presque violente, très passionnée entre les gens de cette famille-là. Et ça a donné une famille d'artistes et de gens qui se sont beaucoup impliqués dans la société. Donc, oui, marquée par aussi le décès de la mère quand elle est toute petite, mais par une éducation qui, à bien des égards, lui a probablement permis de s'épanouir. Je ne dis pas que ça a été plus facile nécessairement, mais ça a permis en tout cas de faire germer cette espèce de force de caractère dans un tout petit bout de femme. Elle était minuscule. C'est une toute petite femme personne, qui, une petite personne, même quand on voit les photos, on se dit, ma foi, autant de caractère et de force dans un si petit bout de femme, c'est assez impressionnant. Carole? Madame Smart a écrit à la fin des années 90 « Les femmes du refus global ». Patricia Smart. Et donc, on a lu quelques pages dernièrement, puis on se disait, ce qui est extraordinaire, c'est que on a beaucoup parlé du refus global, on a beaucoup parlé de ce groupe, mais les femmes ne sortaient pas nécessairement du lot. On a un peu négligé cette partie-là, en tout cas du moins à cette époque-là, maintenant peut-être moins. Et à force de parler de Marcel, à force de penser à elle, à force de voir ce qu'elle a fait et de travailler en son sens, on se rapproche d'elle. Donc elle sort du lot de cette manière-là. C'est comme si elle devenait un peu un membre de notre groupe, même si on ne l'a pas connue personnellement. Et on a la chance de travailler avec la famille, ce qui nous aide beaucoup là, dans cette démarche-là. Et toi, Jean, donc, pour continuer un peu dans ce que vient de dire Carole, c'est toute la question aussi des plafonds de verre. Oui. Avant l'heure. Ah oui, tout à fait. Cette dame, Marcel, c'est drôle à dire, tout le monde pense que, bien souvent, on pense que c'est un homme, mais Marcel avait le caractère bien trempé. Et je parle pas dans le caractère, quand on parle de caractère, c'est pas un caractère vindicatif, hargneux ou... Non, simplement, elle savait ce qu'elle voulait faire. Elle avait un but et elle s'y accrochait bec et ongles contre tous et contre peu importe les avis et les valeurs de l'époque ou les contraintes de l'époque. Et ça, c'est caractéristique de Marcel et de plusieurs femmes qui sont venues jusqu'à nous maintenant, qu'on connaît, que ce soit pour... excusez-moi, je veux pas sortir des noms, mais comme tel, mais c'est à cette époque-là, c'était remarquable. Et alors, ils ouvrent les portes, ils tassent les choses, petit peu par petit peu, comme un coin qui arrive dans une pierre et qui arrive à casser cette pierre-là pour passer à travers, comme des fleurs, des fois, ouais, dans le gravier. Là, je fais une analogie un peu douteuse, mais quand même, c'est remarquable. Et c'était pas simple à l'époque. Imaginez partir femme-enfant en France, partir faire des arts, vouloir créer vouloir exploiter toutes ses capacités. Il fallait avoir du culot à l'époque, hein. Puis les reins solides, puis je m'en foutisme des autres. Écoute, le clergé, le mari, mon oncle, ma tante ou la sœur, regarde, je fais ce que je veux, puis je continue. Puis ça, pas de façon hargneuse ou non, là. Vraiment, c'est parce que je veux me réaliser. Puis ça, c'est important. Et c'est un beau modèle, je pense, pour toutes les femmes qui s'expriment de plus en plus, qui prennent de plus en plus leur place et dans les arts, etc. Et c'est très d'actualité. Elle est très d'actualité, je trouve. Oui, bien, c'est vraiment formidable de vous entendre parce que, on sent l'organisation, on sent les amis de la place Marcel Ferrons très, très investis. Si on revient un peu aux activités des dernières années, donc pour faire revivre la mémoire de Marcel Ferrons, ça s'est incarné à travers différentes activités. Si je vous demandais, quand ça fait quoi, 8 ans? 6 ans? 6 ans. Ça fait 6 ans que les amis existent. Officiellement, oui, mais on faisait des activités avant d'avoir la dénomination d'être incorporée. C'est vrai, 8 ans. Donc, ça fait 8-9 ans qu'on... La première activité officielle a été en 2010 avec Haro Cube. Ouais. Alors, Jean, tu as parlé tout à l'heure de Haro Cube. Si je demandais autour de la table vos activités mémorables, qu'est-ce que vous auriez envie de nous raconter? On a fait un événement quand même assez intéressant qui s'appelait Les Glaces. C'est la première fois que les amis de la place Marcel Ferron investissaient une rue dans le cadre d'un projet d'art éphémère. Alors, c'est David Farcy, qui était membre des amis de la place Marcel Ferron à l'époque, qui a été un peu le maître d'œuvre de ce projet, qui consistait à mettre des monolithes de glace, certains monolithes colorés, installés au printemps. Et le but, c'était de participer à la fonte de ces glaces, de ces monolithes. Et il y a eu un film qui a été produit autour de l'événement. C'est un événement aussi qui a été très médiatisé et on vise aussi un rapprochement autant avec les commerçants, le public. On veut que Outremont vive. Hein. Outremont a une personnalité aussi et on doit nous aussi intervenir sur la rue en mettant sur pied des manifestations de ce type. Alors, pour moi, c'est une des activités assez mémorables. Juste pour aider un peu les auditeurs, donc il y avait quoi, 35, 40 blocs à peu près? Une centaine. Une centaine? Oui. Qui ont été installés en une nuit. Oui. Dans la nuit de vendredi à samedi. Exact. Il y a, sans que personne le sache. Sur la rue Venue Bernard. Exactement. L'avenue Bernard qui avait été fermée sur quelques pâtés de maison. Et le samedi matin, les gens ont commencé leur journée, sont apparus tranquillement pas vite sur la rue Bernard et le soleil, évidemment, a commencé à mettre ses rayons à travers ces blocs de glace, pour la plupart colorés. Et l'idée, c'était l'art éphémère, puisque les glaces fondaient. Et donc, Jean, toi, t'étais aux premières loges. Ah oui, tout à fait. Puis on reconnaît encore là l'idée de transparence dans l'art, l'œuvre de Marcel Ferron. La couleur, etc. L'art public, l'accès à tout le monde. C'est pas dans des endroits balisés ou fermés, ouverts. Et en plus, on a une journée absolument extraordinaire pour faire ça. C'était drôle d'entendre les gens qui disaient à quoi ça sert. C'était vraiment drôle. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, à quoi ça sert. C'est à l'émerveillement. Ça, on s'en fout que ça a une utilité. Ce n'est pas une utilité pratique. C'est une utilité d'émerveillement. Puis c'est ça qui est important. Et je pense que c'était important de le souligner. C'est vraiment une activité phare. Mais je voudrais juste souligner, les amis de la place Marcel Ferron, dans nos activités, on a vraiment touché à tous les aspects des arts. Pas rien que les arts visuels. On a fait du cinéma, on a fait du chant, il y a de la danse. On a vraiment touché à tout et on a toujours eu le soin d'inviter des associations, les partenaires, à venir participer à nos activités. Et ça, c'est un point majeur dans notre philosophie, dans nos objectifs. Et ça continue comme ça. Encore là, ça rejoint un vœu de Marcel Ferron. Tout à fait. D'aller vers le public, Marie-Claude. Tout à fait. Et avec, entre autres, les glaces, il y avait cette idée aussi d'amener les gens tout à coup à s'arrêter dans un endroit où habituellement on ne fait que passer et de regarder autrement le tissu urbain. Et ça aussi, c'est quelque chose, sur la place, on essaie de faire des interventions d'art public pour amener les gens à l'investir, cette place-là, parce que c'est souvent un lieu de passage entre deux commerces et qui amène de l'avenue Bernard jusqu'au Parc Saint-Viateur, les gens passent. Et là, tout à coup, on a installé des bancs de parc qui ont été peints à l'aide donc préparés par un artiste qui est rattaché à notre groupe, Pascal Foisy-Lapointe, et qui a été en fait préparé, mais ça a été une activité où les gens du public ont été amenés à peindre, donc eux aussi à investir ce milieu de l'art. Et l'année dernière, l'automne dernier, on avait fait une activité aussi où on a investi des plans d'eau dans les parcs de l'arrondissement en reprenant tout un circuit qui part du cimetière Mont-Royal où démarre un petit ruisseau qui traverse Outremont au complet, qui s'appelait le ruisseau Provost, et on a fait des stations à chacun des endroits où le ruisseau est encore visible aujourd'hui. Ça, c'était le projet dans le cadre du 375e. C'était un des projets qu'on a fait dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, et on avait invité un duo de jeunes artistes qui font des œuvres environnementales, et elles ont créé pour trois endroits différents, trois parcs où il y a justement ce cours d'eau qui apparaît, des installations qui étaient dans les cours d'eau même, avec tout un jeu de cordes colorées, et qui jouaient sur l'idée justement de la présence, mais de la transparence, parce que ce sont des choses qui sont très, très présentes, mais en même temps, c'était un projet éphémère, et à travers les cordes, on voit l'espace, donc il y avait tout ce jeu-là. Encore là, investir le territoire, absolument, aller vers le public. Et lui montrer son environnement autrement. Oui. Carole, toi, bon, on a parlé des glaces, on a parlé du projet du 375e. Les bancs, j'irai sur les bancs. Ouais. Oui. Ben, Marie-Claude en a un peu parlé quand même. Deux fois, hein? En fait, je parlerai de trois interventions. Je reculerai avant notre création pour Art au cube. J'irai au moment où on a peint les bancs la première fois, avec des groupes communautaires et une artiste professionnelle. Et la troisième fois où on a fait ça vraiment avec le public, comme disait Marie-Claude, avec quand même une installation artistique préalable qui assurait une certaine cohérence. L'idée, c'est que le public prenne le pinceau. C'est lors de la dernière kermesse, là, à Outremont. Oui, la troisième, donc, c'est lors de la dernière kermesse. Donc, à ces trois occasions-là, on a amené des gens du public qui n'avaient pas nécessairement de compétences particulières à prendre le pinceau et à investir l'espace public, mais à partir de bancs publics. Alors, c'est quand même assez clair comme élément de parc. Mais ils sont formidables, les bancs. Et ils sont beaux, les derniers particulièrement, parce que, bon, on apprend d'une fois à l'autre. Et puis, les derniers, donc, ont une structure particulière que Pascal Foisy-Lapointe a préparée. Et quand l'activité s'est faite à la kermesse, c'était magnifique parce que, bon, d'abord, on était dans le public et c'est ce qu'on veut, on va être avec les gens. Et on avait des gens, une petite dame peut-être de 80, des enfants de 4 ans. Voilà, avec des grandes chemises, puis ils s'installent, puis ils peignent. Et puis, c'est magique. Puis ensuite, bon, on va à la place, on a l'impression que la place nous appartient un petit peu plus. Bien, absolument. Puis voilà. Les gens s'arrêtent à la place, les gens. Oui. Et il y a le piano public. Donc, oui, on a eu la chance avec les pianos mobiles et l'arrondissement d'avoir un piano qui a été... Donc, on a eu deux pianos depuis quelques années. Et puis, ça vit différemment. Ouais. Je pense qu'elle a toujours été une place de passage où on s'installe, manger son lunch, discuter, aller prendre son café peut-être même. Mais là, elle prend de l'ampleur. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, on a fait plusieurs choses du point de vue de l'animation, mais maintenant, on a des appels d'autres groupes qui viennent et qui nous appellent presque pour nous demander la permission, ce qui est plutôt drôle parce que la place ne nous appartient pas. Mais ce faisant, on est capable de faire des liens avec ces organismes-là, puis apporter au public, avec encore là la collaboration de l'arrondissement, des produits fort intéressants et qui viennent d'autres horizons. Alors, ça nous donne une espèce de lien communautaire, mais aussi on essaie d'offrir quelque chose d'intéressant sur cette place-là. Ben, écoute, Carole, je trouve que tu fais un très beau lien vers ma prochaine question. Donc, en juin dernier, c'était l'Assemblée générale annuelle des Amis de la place Marcel Ferron, et tu as décidé de reprendre le flambeau, donc de la présidence, des mains de Jean Lapointe. Donc, c'est toi la nouvelle présidente des Amis de la place Marcel Ferron. Alors, il y a vraiment plusieurs projets. Il y a une belle énergie en ce moment. Il y a plusieurs activités qui s'en viennent. Oui, surtout avec notre petit nouveau, Éric Perron, qui manque pas d'énergie. Donc, Pascal Foisy-Lapointe qui avait quitté un moment, qui est revenu. On a des gens qui sont arrivés de nouveaux horizons et je pense que ça nous apporte un vent de bonheur. On va continuer dans notre zone d'influence. Donc, depuis le début, avec l'arrondissement, on essaie de faire physiquement cette place-là soit plus intéressante. Donc, on est en train de développer des propositions qu'on amènera à l'arrondissement pour faire de cette place-là un espace plus fonctionnel pour des événements, mais aussi toujours là, avec l'idée de respecter l'influence, et je vais utiliser le terme influence, de Marcel Ferron. Donc, on influence l'arrondissement en étant influencé par Marcel. On continue à être très indépendant aussi, j'aimerais bien le souligner. Donc, jusqu'à présent, on a fonctionné avec des fonds privés la plupart du temps, souvent avec à peu près pas grand-chose, et c'est un effort bénévole. Ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on arrive à avoir autour de la table des compétences complémentaires. Donc, on a des gens plus habitués à la coordination, la gestion, des historiens de l'art, des artistes. Donc, tout ça fait qu'on est capable de travailler assez efficacement autour d'un projet et c'est presque miraculeux. Donc, et là, il y a des belles choses qui s'en viennent. Là. Oui, alors un projet d'art public. Oui. Sur lequel on travaille, et ce serait une première à Outremont. Donc, on cherche à ce qu'il y ait une murale dans Outremont. En hommage à Marcel Ferron. En hommage à Marcel, et donc pas un petit bout de mur, un beau grand bout de mur. Alors, nous allons voir ce qui va se passer. Et, on parle aussi de réaménagement de la place. Oui, donc des propositions. Donc, forcément, avec l'arrondissement, c'est quelque chose qui doit se faire absolument en partenariat. Donc, voir avec eux là, quelques axes de changement. Qu'est-ce qu'on a à part ça? On a... Des activités qui s'en viennent. Oui. Ben, on parlait aussi de films sur l'art en plein air sur la place. Donc, c'est un volet qu'on aimerait développer et peut-être même en association avec le Festival des films sur l'art à Montréal ou même des créations originales. Tout ça pour faire de la place Marcel Ferron un lieu dynamique et aussi de faire d'Outremont un lieu vivant. Mmh. Alors, c'est le but qu'on s'assigne. Alors, je fermerai seulement en disant qu'on veut mieux faire connaître Marcel. Oui. Donc, il y a des choses qui s'en viennent de ce côté-là. On veut entendre sa voix, on veut entendre ce qu'elle a fait. Et on travaille là-dessus. Alors, je pense que pour ceux qui nous écoutent en ce moment, la meilleure façon de nous suivre, c'est encore de fréquenter la page Facebook des Amis de la place Marcel Ferron, que tu animes, que tu alimentes, Marie-Claude? Mm-hmm. Oui, alors les différentes activités qu'on fait sont relayées là-dessus, mais on fait aussi des liens vers des activités de groupe avec lesquelles on travaille. Ce qui fait que, et puis de choses qui se passent dans Outremont, on est investi au-delà de seulement la place, mais c'est le moteur principal. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des activités qui se préparent, on met sur la page des choses et puis des photos, et puis on fait aussi, lors des activités, des espèces de reportages photos assez copieux, assez importants. Il faut aller voir les photos des glaces. Il faut que les gens aillent voir ça. Absolument, absolument. Les glaces, et puis aussi les œuvres dans les plans d'eau le long du ruisseau, c'était assez intéressant. Et à chaque fois, on est plusieurs à faire des photos, faire des petits bouts de film et à mettre ça sur la page. Voilà. Carole, j'aimerais ça en terminant qu'on dise qu'on peut devenir membre des Amis de la place Marcel Ferron. Alors, si des gens veulent nous appuyer, devenir membre, comment on s'y prend? Alors, c'est assez simple. Vous nous écrivez. On a une adresse Gmail, amis de la place Marcel Ferron, amis avec un S, Marcel 2LE, @gmail.com. Et il s'agit de m'écrire un petit mot. Et puis, on va procéder. On se mettra en contact. Et c'est pas cher. C'est pas cher. C'est 20 $. 20 $ par année. 20 $ par année. Pour soutenir une organisation. Être au courant de ce qu'on fait. Qui rend hommage. À l'Assemblée générale. À l'Assemblée générale, ben, évidemment, on peut influencer ce qu'on fait aussi. Qui rend hommage à une très, très grande artiste, Marcel Ferron. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci tout le monde d'avoir participé à ce balado. Jean, tu voulais ajouter quelque chose? Non? Ouais, c'est parfait, tout a été dit. C'est parfait, tout a été dit. Alors, venez nous rejoindre dans l'organisation des Amis de la place Marcel Ferron et au plaisir de vous voir à la place des Amis, à la place Marcel Ferron. Merci. Merci. Merci beaucoup.